matin, ta journée qui commence. Aller travailler pour se retrouver dans la danse. Recommencer encore une fois pour gagner sa vie et sa pitance. Encore un café, il me faudra partir. Une autre journée à construire mon avenir. Car je dois foncer et avancer pour le bonheur de ma famille. La fête semaine arrive et les amis sont ici. On sort la guitare et un peu de bière aussi. Je vais chanter ta chanson et danser avec toi toute la nuit. Quand je t'ai connu, on avait tout notre temps. La vie était simple, on n'avait pas besoin d'argent. Il fallait penser à l'avenir quand sont arrivés les enfants. Et je suis mon chemin en regardant devant. Même si nos lendemains ne sont pas toujours évidents. Je ne change rien à mon histoire, je continue en attendant. La fête semaine arrive et les amis sont ici. On sort la guitare et un peu de bière aussi. Je vais chanter ta chanson et danser avec toi toute la nuit. Pour se retrouver un peu plus à chaque fois. Avoir du plaisir et te serrer dans mes bras. Il faut profiter des moments que nous donne la vie. Chanter ta chanson et danser avec toi toute la nuit. Pour se retrouver un peu plus à chaque fois. Avoir du plaisir et te serrer dans mes